Major. Giuliano. De retour, hein. Écoute les vautours. Hardcore sur le terrain. Quoi qu'il se passe, crois en terrain. Avec le temps, je rêve plus, je cauchemar. Avec le temps, non, je traîne plus, je bosse, connard. Oh là, je gagne ma vie et je mets le rap dans le coma. Avec le temps, ce que je crache, c'est du venin de cobra. Avec le temps, je bois, je fume, je vois, j'agis, j'assume. Je suis toujours le même, je t'assure. Avec le temps, sur feuille, j'écris ou je rature. Je décris cette vie et cette haine dans ma littérature. Avec le temps, j'écoute à l'amour d'une femme que je veux remplacer pour cette fille qui se reconnaîtra dans cette phrase. Avec le temps, j'ai confiance qu'aux potes d'avant. Ceux que j'ai connus au ballon et à l'école dans les rangs. Avec le temps, peu de joie, trop de déception. Trop de choix, trop de réflexion, peu de trop d'action. Avec le temps, j'essaie d'exaucer mes rêves. De mettre bien mes potes et mes proches avant que je crève. Parcours sur le terrain. Quoi qu'il se passe, crois en tes rester cool, à rester pareil, à vivre avec les gens en fausse apparence. Y'en a qui insultent leurs parents, ils ont même pas de face. Le jour où je décolle, je sors à Las Vegas. Je ferai tourner ma part au fauve du quartier. Je ferai mes morceaux pour et pour Santol et parti. Et avant de partir, je leur dirai que je les adore. J'oublierai pas de dire à madre mi amor. Je passerai le bonjour à toutes mes ex. Je leur dirai à toutes que je les aime. Et puis tant pis si je les vexe. Je t'avoue, je pense qu'au sexe, j'ai le sale odorat et c'est comme dans The Sentinel ou dans Rex. Et puis merde, j'ai vu ce que c'est que d'être trahi. Maintenant qui ose vouloir me blesser, qui me blesse. J'suis comme un jeune sans voix, comme une mère sans fils, comme un père sans père, comme un fauve sans